19h05, vous êtes toujours à l'antenne de l'émission Amandla là sur CKUT 90.3 FM. On vous le disait donc en introduction de l'émission que nous allions nous attarder plus particulièrement sur l'œuvre de Walter Ronné, donc historien d'origine guyanaise, assassiné en 1980 à l'âge de 38 ans. Je disais trop peu connu dans le milieu académique et même l'historiographie francophone. Il gagnerait pourtant, selon notre historien invité ce soir, Hamzat Boukhari Yabara, à être lu et redécouvert au même titre que les grands historiens du panafricanisme et de l'histoire de l'Afrique en général, que furent par exemple des hommes comme Joseph Kizerbo, Chiranta Diop et beaucoup d'autres. Donc, Ronné, qui a été assassiné en 1980, il a produit tout de même une œuvre historiographique importante qui mérite d'être connue, même s'il est mort beaucoup trop jeune. Il a également eu un engagement politique qui mérite d'être connu, on va y revenir. Donc Hamzat Yabari Boukhara, merci d'avoir accepté notre invitation d'abord. Merci beaucoup. Alors, merci je disais que vous êtes chercheur postdoctoral à l'Université de Montréal. Vous avez fait votre thèse de doctorat en France. Donc, vous êtes ici jusqu'au mois de juin. Vous êtes l'un des jeunes historiens en ascension actuellement. Vous êtes considéré qu'il est l'un des meilleurs connaisseurs de l'œuvre de Walter Ronné. En tout cas, un de ceux qui permet de l'introduire dans la langue française. Peut-être dans un premier temps, en question introductive, j'aimerais bien comprendre comment est venu l'intérêt pour vous de vous intéresser à l'histoire de Walter Ronné d'abord, dans un premier temps. Alors, en fait, dans un premier temps, je commençais à travailler sur le mouvement Rastafari, et en travaillant sur ce mouvement-là, j'ai découvert des artistes, dont celui dont on vient d'écouter la chanson, Linton Kwesi Johnson, qui reprenaient en fait le discours de Walter Ronné dans leurs œuvres. Et donc, c'est en découvrant en fait cet art populaire, cette introduction de l'histoire dans l'art, que je me suis intéressé en fait à la figure de Ronné, et j'ai essayé de comprendre pourquoi il était en fait une icône pour tout le mouvement Rastafari et pour toute une partie de la jeunesse caribéenne de Londres. Là justement, parce qu'avec Walter Ronné, on passe de la traite négrière au mouvement Rastafari. Comment expliquer justement qu'un genre musical célèbre un intellectuel précisément ? Alors, c'est vrai que ce n'est pas si rare. Si on regarde bien dans l'histoire, il y a eu des chansons sur Kwame Nkrumah, sur Modibo Keïta, sur Jomo Kenyatta, mais qui étaient plus des hommes politiques. Walter Ronné, c'est un historien, et il y a quelque part chez l'historien une dimension de poète, d'orateur, parce qu'il faut bien comprendre que Walter Ronné n'était pas n'importe quel historien, c'est un historien qui descendait parmi le peuple et qui, lors de son séjour en Jamaïque, a pris l'habitude de donner des cours d'histoire avec les Rastas. Et donc, en quelque sorte, les Rastas lui ont rendu la monnaie de la pièce en composant plusieurs œuvres musicales qui lui rendent hommage aujourd'hui. Alors justement, on va revenir finalement plus tard au rôle qu'il a joué donc à l'université de Kingston, sur le campus de Mona, les recherches qu'il a fait auprès des pauvres, plus précisément à Kingston. Peut-être en guise de rappel pour un public qui n'est pas familier avec l'œuvre, juste nous donner quelques repères historiques d'abord pour comprendre dans quelle période historique s'insère la naissance et surtout l'œuvre de Walter Ronné. Alors, Ronné est né en 1942, donc en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, et il est né en Guyana, donc ancienne Guyane britannique. Et à l'âge de 18 ans, il va d'abord faire une première partie de ses études à l'Université des West Indies, donc à Kingston. À partir de 1963, il va se rendre en Angleterre. Donc de 1963 à 1966, il va faire sa thèse en Angleterre. Et il va se retrouver en Angleterre à un moment où la lutte contre l'apartheid commence à s'installer au sein de la communauté africaine, également caribéenne. Donc il va participer déjà à cette lutte-là, il va se rendre à Hyde Park, il va se rendre au Speaking Corner, donc il va s'engager dans cette lutte-là. Et dans le cadre de sa thèse, il va également voyager au Portugal, donc il va découvrir la situation de l'Afrique lusophone, également en Italie, donc il va découvrir également le rôle du Vatican dans le colonialisme et tout ce qui va donner la théologie de la libération, et en Espagne où il va découvrir le régime de Franco. Alors justement, lors de son passage en Angleterre, c'est là qu'il fait la connaissance de grands historiens. Il va rencontrer particulièrement un homme comme C.L.R. James, plus connu en français pour son fameux livre Les Jacobins Noirs, The Black Jacobins. Alors juste nous dire, Hamzat, quelle est l'importance de cette rencontre avec Hamzat et qu'est-ce qu'elle symbolise, plus particulièrement en Angleterre, où sont passés de grands panafricanistes, je pense à des gens comme George Padmore, où a eu lieu par exemple dans les années 40 le congrès de Manchester. Donc situer un peu le contexte historique qui cette rencontre intellectuelle qui va être marquante pour lui. Alors, C.L.R. James, l'intérêt de C.L.R. James, c'est qu'il n'a jamais été, diplômé d'université, mais c'est un intellectuel très respecté dans la Caraïbe et également parmi la jeunesse caribéenne qui se trouve à Londres. Donc, en fait, Ronné, à la School of Oriental and African Studies, il va être déçu par le fait que les historiens de l'Afrique ont une vision particulièrement bourgeoise. Et donc, il va se tourner vers C.L.R. James, donc un marxiste convaincu. qui va en fait animer des séminaires à son domicile, dans lesquels on va retrouver toute une jeunesse caribéenne influencée par la New Left, la nouvelle gauche, qui va se réunir donc chez C.R. James, qui va être en fait le parrain intellectuel de toute cette génération, dans laquelle on trouvait Walter Rodney, mais également un sociologue comme Orlando Patterson et également un sinologue comme Walton Lucley. Alors justement, à Londres, il va faire une thèse, je pense, sur l'histoire de la côte ouest africaine, de la Guinée-Bissau. Il va s'intéresser à la part que revêt l'esclavage dans cette partie de l'Afrique, et il va finalement faire le constat de l'importance que joue le phénomène du racisme, par exemple. Effectivement, il va se rendre compte qu'en fait l'Afrique portugaise, enfin le Portugal, a eu une politique négrière, esclavagiste et coloniale assez particulière. Malgré les idées reçues qui prétendent que le colonialisme portugais n'a pas eu recours à l'esclavage. Malgré des idées reçues, en fait, il s'est intéressé au tout début de la traite, donc vraiment à la situation pionnière du Portugal et de l'Espagne. Et cela va l'amener en fait à s'intéresser à la situation des Africains, non pas dans les Amériques entre guillemets anglo-saxonnes, mais dans les Amériques hispanophones. Il va écrire un certain nombre d'articles sur l'origine africaine des Africains qu'on retrouve notamment au Brésil, mais également à Cuba et en Argentine. Donc il va un peu sortir de cette tradition de la Black Atlantique, de la partie anglo-saxonne des études sur la traite et sur l'Atlantique noir. Et donc sa thèse, il la soutient à un âge très jeune, je crois. À 24 ans, oui. Voilà, ce qui est brillant. Ce qui est plutôt brillant, oui. Et ensuite, son parcours, est-ce qu'il reste en Angleterre? Qu'est-ce qu'il fait après? Alors, la première année, il va en fait postuler pour aller enseigner à Dar es Salaam. Il va obtenir le poste, il va y faire un an et demi. Donc il va arriver au moment où Julius Nyerere met en place l'Ujamaa, donc une politique socialiste fondée sur l'autosuffisance. Donc il y a tout un climat politique qui va permettre son épanouissement intellectuel. Il va rester un an et demi, puis il va partir ensuite en Jamaïque en 68. Il y restera seulement 9 mois parce que son départ de la Jamaïque sera précipité par le gouvernement jamaïcain en raison de ses opinions politiques. Alors justement, là tu parles du mouvement l'Ujamaa de Julius Nyerere. Nous sommes dans quelle période historique? Nous sommes dans l'Afrique des années 60-70 et nous sommes seulement quelques années après la première vague des indépendances. Effectivement, disons que Nyerere a fait une sorte de volte-face. Donc l'indépendance du Tanganyika a précédé ensuite l'union avec Zanzibar. Rodney a été particulièrement marqué par la révolution de Zanzibar en 64. Puis ensuite par l'union entre Tanganyika et Zanzibar qui va donner naissance à la Tanzanie. Dans ces mêmes années, il y a tout un courant historiographique qui quitte l'Afrique du Sud avec notamment Terence Ranger qui va s'installer à Dar es Salaam et qui va lancer donc les études historiographiques. Alors c'est aussi le contexte du socialisme, c'est le contexte du tiers-mondisme, c'est aussi un contexte de guerre froide. C'est tout ça qui se retrouve en fait à Dar es Salaam autour de Zanzibar qui était considéré comme la Cuba africaine qui va attirer un certain nombre de révolutionnaires, dont l'un qui s'appelait Abdulrahman Babou, va fortement influencer Walter Rodney. Et quelles sont les rencontres qu'il va faire sur place là-bas, seront déterminantes? Alors, il va croiser notamment Yoweri Museveni, donc l'actuel président de l'Ouganda, qui avait une tendance assez radicale à l'époque. Il va également croiser Eduardo Mondlane, donc le président fondateur du Frelimo qui sera assassiné un petit peu plus tard. Le Front de Libération du Mozambique pour les auditeurs et les auditrices. Ouais. Exactement. Il va croiser Stokely Carmichael qui viendra à un moment également à Dar es Salaam, des Black Panthers. Également Angela Davis dans sa deuxième partie à Dar es Salaam en 73. Donc un certain nombre de militants autant de la cause afro-américaine que de la cause panafricaine. Et justement, l'œuvre de Walter Rodney ne se limitait pas à donner des cours magistraux dans les universités. Il avait le souci, si tu veux, d'être au diapason des masses populaire dans le contexte local, et j'ai appris à travers tes écrits qu'il s'en va donner des cours en milieu rural pour la population tanzanienne. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Alors, en fait, Rodney considérait que le savoir en fait devait aller à la rencontre des populations, d'autant plus que l'université était perçue comme un cadre extrêmement élitiste. Donc, il va effectivement prendre l'habitude de sortir des murs de l'université. Donc, il va le faire en Tanzanie. Il va aller voir les paysans pour leur raconter l'histoire ouvrière et rurale donc de la colonisation du Tanganyika. Il va également se rendre quand il sera plus tard en Guyana, il ira donner des cours aux mineurs qui travaillent dans les mines de bauxite. Donc il aura l'habitude tout le temps de sortir de l'université pour aller à la rencontre des masses et pour leur rendre en fait l'histoire, puisqu'il considérait que les masses étaient les véritables actrices de l'histoire. Donc c'est en quelque sorte du donnant-donnant qu'il fait. Alors justement, le contexte de la production intellectuelle et de la réflexion de Walter Rodney, c'est parallèlement tout un foisonnement intellectuel qui prévoit à l'époque des thèses des théories de la dépendance, de l'économie monde, incarnées par Gordon Frank, Wallerstein, Samir Amin. Comment il est perçu par tous ces intellectuels? Est-ce qu'il y a un écho? Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce que les thèses sont confrontées? Alors, Walter Rodney, donc, il va écrire en 72 un ouvrage qui s'appelle How Europe Underdeveloped Africa, qui entre guillemets introduit la théorie de la dépendance en Afrique. Donc effectivement, à l'époque où Samir Amin et bien d'autres publient un certain nombre d'ouvrages, donc il va y avoir des débats effectivement qui auront lieu à Dar es Salaam, en écho avec des débats qui avaient lieu à Dakar à la même époque, des débats qui vont être extrêmement politisés en raison de la politique adoptée par Julius Nyerere et qui vont s'inscrire en fait dans tout un cadre d'émancipation politique et intellectuelle de l'Afrique. Il faut savoir que même après, donc, il restera en contact avec Emmanuel Wallerstein, qui l'invitera également aux États-Unis. Donc, il y a des réseaux qui se sont tissés, il y a des correspondances. Quand on regarde les archives privées de Rodney, il y a des lettres, il y a des échanges. Ils se sont rencontrés, ils ont discuté. Voilà. Alors, Hamzat Boukhari Yabara, on discute avec vous donc de l'œuvre de Walter Rodney. On va prendre une petite pause musicale et on reviendra ensuite, plus particulièrement pour rentrer dans la thèse que défend ce livre, qui est How Europe Underdeveloped Africa, qui je crois est l'un des rares ouvrages de Rodney qui a été traduit en langue française. Donc vous allez nous expliquer quelle est la thèse qu'il défend et la pertinence pour la compréhension de la condition de l'Afrique aujourd'hui. Vous êtes toujours à l'antenne de CKUT 90 3FM, Mouloudou Dir au micro. On discute de la pertinence et de l'œuvre de Walter Rodney, historien d'origine guyanaise, avec Hamzat Boukhari Yabara, historien, donc postdoctorant à l'Université de Montréal. C'est bien ça? C'est bien ça. Oui. Alors justement, tout à l'heure, Hamzat, avant qu'on prenne la pause musicale, on disait qu'on allait revenir donc sur la thèse et l'idée qui est défendue dans cet ouvrage majeur de Walter Rodney, qui est « Comment l'Europe a sous-développé l'Afrique ». Ça, c'est la traduction française. Le livre a été publié en anglais. Tu disais donc pendant la pause musicale qu'il a été publié en Afrique, d'abord destiné à un public africain. Donc pourquoi ce choix éditorial d'une part, et ensuite enchaîner avec la thèse qui est défendue et comment il l'articule? Alors, le livre est publié en 72, Rodney se trouve en Afrique, il a écrit le livre en Afrique, il le précise lui-même que c'est un ouvrage en fait à la destination d'abord des Africains, d'abord pour la critique des Africains et ensuite éventuellement si d'autres personnes en dehors de l'Afrique veulent entrer dans le débat, ils entreront dans le débat. Ce qui est important, c'est que l'ouvrage va être traduit rapidement en espagnol et en portugais, notamment pour les Africains qui se battaient en Angola et au Mozambique. Il va être traduit également dès 1975 en allemand et la traduction française n'arrive qu'en 1986. Et le problème de la traduction pose déjà un autre problème. Le titre en anglais, c'est « How Europe Underdeveloped Africa » et la traduction exacte, en fait, c'est « Et l'Europe sous-développa l'Afrique ». Donc, il y a déjà une manipulation de la thèse dans la traduction française. On a enlevé la question. On a enlevé la question et surtout on a réduit le livre de Rodney à une thèse dont finalement on n'a pas besoin d'ouvrir l'ouvrage. On voit le titre et l'Europe se développe à l'Afrique, on comprend déjà ce que ça veut dire et beaucoup de gens l'ont pris comme ça et n'ont pas ouvert le livre. Et c'est un peu ce qui, c'est un peu le problème posé par un certain nombre, par une certaine historiographie qui se résume au titre, donc notamment quand elle aborde la question de l'Afrique et des Noirs, quelque chose qui part depuis l'époque de Gobineau, donc l'essai sur l'inégalité des races humaines. Vous voyez le titre, vous n'ouvrez même pas, vous savez de quoi ça parle. Or, en fait, la thèse de Rodney est beaucoup plus complexe, puisque derrière l'idée de How Europe Underdeveloped Africa, il y a cette idée d'un processus qui n'exonère pas en fait les Africains de leur situation actuelle. En fait, Rodney s'adresse aux Africains et sa critique, elle est d'abord envers les Africains. Il prend en fait les Africains comme témoins d'une situation, il leur explique l'état des faits, il leur explique quelles sont les conditions, les circonstances qui ont conduit l'Afrique à se retrouver dans cet état-là. Donc il revient donc sur la question de la traite négrière. C'est un ouvrage qui va développer tout le débat avec Philippe Curtin sur le fait de savoir si la situation contemporaine de l'Afrique est liée aux conséquences de la traite ou pas et dans quelle mesure la traite a impacté sur le développement de l'Afrique. Donc c'est tout un débat qui va être lancé de ce côté-là. C'est également tout un débat sur la redéfinition de ce qu'on entend par le développement. Est-ce qu'il s'agit d'un développement fondé sur le capital financier ou d'un développement fondé sur le capital humain et social ? Donc la thèse de Rodney, bien évidemment que c'est le capital humain et social qui doit l'emporter. Et donc c'est une histoire générale de l'Afrique sur 4-5 siècles qui pointe en fait des points forts et des points faibles dans la structure des États africains, des États précoloniaux et de la manière dont ils ont en fait été impactés par le colonialisme. Voilà, et la thèse également de la supériorité technologique de l'Europe. Effectivement, il maintient cette thèse, mais il précise bien le rôle des matières premières africaines, le rôle qu'ont joué également les travailleurs africains. Il explique par exemple que entre les dockers de Dakar et les dockers de Marseille qui ont fait effectuer la même dose de travail, puisque ce que déchargeaient les autres était ce que chargeaient les autres, ceux de Marseille étaient 6 fois plus payés que ceux de Dakar et que c'est sur cet échange-là en fait que se faisait tout un profit. Donc il y a également toute une histoire du monde ouvrier, du capitalisme, toute une critique du capitalisme qui est présente dans cet ouvrage. Alors justement, là, on parle de 1972 qui est l'année de publication du livre. J'aimerais qu'on fasse un petit recul en arrière. 4-5 ans plus tôt, c'est 1968 et à tout le mai 68 que l'on connaît en Europe, il y a eu ce mouvement qui a fait tache d'huile en Amérique du Nord, aux États-Unis, à Berkeley notamment, mais on ne sait pas qu'il y a eu un mai 68 africain. Est-ce qu'on pourrait dire quelque part que l'œuvre de Rodney, son retour en Jamaïque, s'inscrit un peu dans ce foisonnement? Moi, j'exagère un petit peu. Alors, le retour en Jamaïque, Rodney, durant ses études, il a été à Cuba, il a rencontré Fidel Castro. La révolution cubaine qui le marque énormément. Il a été marqué par la révolution cubaine. Il a également été en URSS au début des années 60. Il vient également d'un pays, la Guyana, qui a une tradition ouvrière et marxiste assez marquée. Chedi Jagan, le premier ministre, avait gagné les élections de 53 à la tête d'un parti de gauche, ce qui avait entraîné ensuite l'intervention des Américains et des Britanniques. Donc Rodney, il est radical, c'est un penseur radical, c'est également un homme d'action. Donc quand il va arriver en Jamaïque, il va tout de suite aller habiter en dehors du campus, il va tout de suite aller à la rencontre de tous les éléments du Black Power, tous les éléments pro-cubains, tous les Rastafari, tous les Rude Boys, tous ces gars qui traînent un peu dans les ghettos. Il va critiquer la politique jamaïcaine de l'époque qui est alignée sur Washington et qui était extrêmement réactionnaire. Et en octobre 68, il va se rendre au Congrès des écrivains et artistes noirs de Montréal. Il va faire un discours donc à quelle année exactement ? En octobre 68. Il va faire un discours donc au campus George Williams. Il va faire un discours sur l'histoire en tant qu'outil révolutionnaire. Il va adopter une position relativement progressiste par rapport à la question raciale. Et pendant qu'il se trouvait à Montréal, le gouvernement jamaïcain va décider de l'expulser. Donc quand il va revenir d'avion à Kingston, en fait, on va l'empêcher de sortir de l'avion et en fait, on va l'expulser, il va repartir à Cuba. Et ce qui est important à dire, c'est qu'à ce moment-là, Julius Nyerere va dire à peu près, grosso modo, voilà, ce jeune homme, si vous, les Américains et les Jamaïcains, vous n'en voulez pas, eh bien moi, j'ai une place pour lui parce que ce jeune homme, Walter Rodney, c'est un fils de l'Afrique et moi, je l'attends ici à Dar es Salaam. Donc, il va ensuite retourner à Dar es Salaam. Mais il a également publié un ouvrage en Jamaïque au contact, si alors, tu veux, des pauvres des quartiers de Kingston. C'est le fameux ouvrage de Groundings with My Brothers. Ah ouais, alors les Groundlings with My Brothers, c'est en fait des récits, des cours qu'il donnait au Rasta. Alors c'est un manuscrit qu'il va laisser un ami à Londres lors de son retour en Tanzanie. Cet ami qui s'appelle Eric Huntley va trouver le manuscrit extrêmement intéressant et Huntley va faire quelque chose d'assez intéressant. Il va faire une collecte au sein de la communauté caribéenne de Londres pour récolter l'argent pour publier cet ouvrage qui sera en fait le premier ouvrage de la première maison d'édition caribéenne, Bogle Louverture Publication. Et c'est un ouvrage effectivement qui va être considéré comme une bible du mouvement Rastafari. 70 pages, extrêmement concis, extrêmement violent et drôle, qui s'intéresse vraiment à cette question du Black Power dans la Caraïbe, aux États-Unis et également en Afrique. Alors justement, un chapitre peut-être sur lequel il faudrait plancher, il ne reste que 5 minutes, c'est l'action politique. Il va s'investir politiquement, il va fonder un parti politique qui est le Working People Alliance. J'aimerais que tu élabores un peu là-dessus. Alors, lorsqu'il revient en 1974, donc il décide de revenir en Guyana parce qu'on lui a promis un poste d'enseignant d'histoire à l'université. Quand il arrive en Guyana, le poste lui est retiré à cause de ses opinions politiques par le régime au pouvoir. L'idée du régime était que Walter Rodney, comme tout bon intellectuel, allait ensuite partir dans une université nord-américaine et qu'il allait devenir donc un de ces intellectuels engagés, mais qui finalement, devant les épreuves, renonce et part se réfugier en Amérique du Nord. Or, Walter Rodney va décider de rester en Guyana, sans emploi. Il va décider de continuer à écrire de l'histoire avec des moyens extrêmement réduits. Il va prendre l'habitude donc d'aller auprès des populations pour faire des discours extrêmement politisés sur l'histoire, pour leur expliquer comment ils ont été manipulés en tant que classe ouvrière par le pouvoir. Alors justement, est-ce que je t'ai coupé ? Non. Je voulais savoir comment est-ce qu'il va contribuer à créer une espèce d'unité politique, surtout dans la Caraïbe, où existent, si tu veux, des communautés très souvent fermées les unes aux autres. Comment est-ce que son message va pénétrer à l'intérieur de cet univers ? Alors, en fait, il va écrire une histoire ouvrière de la Guyana qu'il avait prévu. Il avait prévu de faire 3 volumes. Seul le premier va sortir à titre posthume. Et en fait, il va montrer comment l'introduction des travailleurs venus d'Inde après l'abolition de l'esclavage va diviser la classe sociale de la Guyana entre Africains et Indiens. Donc les Africains qui seront plutôt urbains et les Indiens qui seront plutôt ruraux. Donc les uns qui seront plutôt dans le secteur du sucre, les Indiens, et les Africains plutôt dans le secteur de la bauxite et de la mine. Donc autour en fait de cette segmentation de l'espace, cette segmentation socio-raciale, il va y avoir des partis politiques qui vont se créer. Et le premier parti politique, celui de Jagan, sera globalement ouvert à toutes les tendances, mais celui de Burnham, qui sera ensuite président, va spécifiquement cibler les Africains. Donc Rodney va s'opposer à Burnham en montrant le parti politique de Burnham, en privilégiant les Africains et en discriminant les Indiens, applique une politique qui en fait exploite l'histoire du pays. Alors justement, lors des élections qui devaient avoir lieu, si ma mémoire est bonne, juillet 80, c'est le moment où il sera assassiné à Georgetown, son parti fut favori, si je ne m'abuse. Alors son parti était effectivement bien placé, en tout cas vu les moyens dont le parti disposait, il était bien placé, mais il n'avait peut-être pas encore les moyens de prendre le pouvoir, mais à titre préventif, le régime en place a mené en fait une campagne de persécution sur Walter Rodney et la plupart de ses collègues. Mais l'assassinat, est-ce qu'on a une idée qui a pu le tuer ? C'est sans doute le régime de l'époque, mais la collaboration avec la CIA, non ? Oui. Enfin, je ne peux pas te permettre d'affirmer, de poser des questions. Alors, en fait, oui, il y a eu une enquête. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas. Hein. 30 D'accord. ans après, on ne sait toujours pas qui l'a tué. On sait que le dispositif utilisé à l'époque était utilisé principalement par les Britanniques, les Américains, les Israéliens et les Soviétiques. Mm-hmm. Qu'aucun ingénieur du pays n'aurait pu utiliser un tel dispositif. Donc, on a des pistes de ce côté-là. Mm-hmm. Et quel est ce dispositif ? C'était un walkie-talkie qu'on lui a mis. C'était un walkie-talkie piégé donc, qui a explosé. Et il y avait derrière toute une propagande prévue par le régime qui montre que les choses étaient prévues. Alors justement, Hamzat, pour terminer, il nous reste une seule minute. La question sur laquelle j'aimerais terminer, c'est le rôle de l'intellectuel organique au sens gramscien. Et comment vois-tu la pertinence de l'œuvre de Rodney et à quoi elle appelle aujourd'hui par rapport au rôle que les intellectuels sont appelés à jouer dans le contexte plus particulier de celui de l'Afrique d'aujourd'hui ? Alors, je pense que ce qu'on peut retenir de Rodney, c'est vraiment l'engagement, c'est également le don de soi. Je pense qu'il est important que les intellectuels ciblent bien leur public, qu'ils vulgarisent également dans leurs propos. Donc c'est ce que Rodney a fait. Rodney a écrit notamment des livres d'histoire pour enfants, alors qu'il n'en avait pas forcément le besoin. Donc il y a un besoin en fait de se tourner vers les populations, de vulgariser l'histoire, de la populariser, de la rendre à ceux qui la font réellement. Je pense que c'est ce qu'on doit retenir de l'œuvre de Rodney. Voilà, merci beaucoup Hamzat, et en attendant un jour de lire quelque chose de toi, est-ce qu'il y a quelque chose en chantier, un ouvrage? Ça devrait en tout cas. Oui, il y a un ouvrage qui devrait prochainement sortir. Pour le moment, je n'en dis pas plus, mais il y a un ouvrage qui devrait prochainement sortir. Mais autrement, est-ce qu'il existe quelque chose en français sur Rodney, en dehors de ce qu'on peut trouver par Internet dans des textes savants et quelques textes d'essais comme ça? Non, il n'existe rien, donc c'est bien justement... Donc tu es à rendez-vous avec l'histoire. L'intérêt, oui, de mon travail, effectivement. Voilà, d'ouvrir cette page. Pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, donc je rappelle que je viens de m'entretenir avec Hamzat Boukhari Yabara, historien postdoctorant à l'Université de Montréal. Tu donnes une conférence demain à l'UDM sur les 50 ans des indépendances africaines. Je n'ai pas la feuille. C'est au pavillon Jean Brion, salle B3325, à partir de 16h. Répétez encore, s'il te plaît. Pavillon Jean Brion, salle B3325, à partir de 16h demain. Donc, à l'Université de Montréal. Donc, merci infiniment, Hamzat. Et merci. Tu es là jusqu'au mois de juillet, si je comprends bien, à Montréal. Donc, on aura sans doute l'occasion de te revoir ici à Mandela pour parler d'autres choses, parce que tes connaissances sur l'Afrique sont illimitées. Donc, ce sera pour nous un honneur de te recevoir une autre fois. Merci, ce fut un honneur d'être ici. Merci. On prend une petite pause musicale et on enchaîne tout de suite après avec la partie en anglais de l'émission.